taille elle fait une noce sous barnargingo. Si on des pas mots et tête on a qu'il soit ben drôle. Chacun les vous ses moyens, on s'en va chez Perbocan. Nous fait danser un bourré que brasse du Morvan. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse cette bourrée. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Tous les gars et vous les filles, espèces, c'est en l'endoignant. Les gars sautent en prendre les bouchons, les feuilles croyant, prend les ouillons. Brandouillant, un soleil et un seul galant dans les feuillons. Je sens tout mon gars champêtre que va te faire en ces verbaux. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse les bourrées. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse les bourrées. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Jetez une botte de feuille, tournez et foutez d'un chafaud. Perbeau cantonne ses vielles, entier qu'en bout de ses sabots. Hardi les pio, foucandeuses, foncez la viande et ouverou. Vous voyez peut-être que c'est mes mieux de jouer pour un tas de l'eau nous. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse les bourrées. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse les bourrées. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Aïe, le papa d'Augustine, que toujours Robit s'éloigne. Aïe, le cadet, les violines, que regarde voir si on le voit. Y'a le dodo et peu l'endette, que j'inclant les cure-poulains. Y'a le vélo, que les fanchettes, que se bichement les cure-poussins. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse cette bourrée. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse cette bourrée. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Quand on est fait les bourrées, à l'auberge on va l'oper. Dont chacun un tête magré, piquette, histoire de souffler. Les yeux des camps, le bon ciel, dans le maillot vont dormir. Marigotte et vous les feuilles, vous verrez sur les parties. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse les bourrées. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse les bourrées. Un, deux, trois, un, deux, trois, deux, fouet, avec moi qu'on danse dans le souhait.